l'avez donné. Femme, mon âme, moi, وهي أن يعقد العالم أصوله إلى طالبه أو إلى تلميذه فيقول له رويه عني فتكون رواية تروى عنه والذي أعطاه الكتاب أذن له فبدون الإذن لم تكن معتبرة وتكن من أجل الاحتمال والحفظ والوديعة. Donc ici le 8e chapitre. Donc lorsque le Bukhari rahimahullah ta'ala a dit chapitre, ce qui est mentionné au niveau, au sujet du don et de l'ouvrage scientifique composé par les gens de science qu'ils envoient dans des pays. Ici, le don, al-muna wa al-don, comme l'ont expliqué les gens de science, c'est que le savant, ici, va donner, il va remettre à un de ses élèves un de ses ouvrages ou un de ses livres et il va dire à son élève transmets-le de moi, et donc cette variante pourra être considérée, elle sera considérée dès lors que le savant a remis à l'étudiant un livre ou un de ses ouvrages et qui lui a permis de transmettre ce qu'il a composé. Et donc, pour que l'élève ou l'étudiant puisse donc transmettre, il faut qu'il ait la permission du savant. S'il n'a pas la permission du savant, alors ceci n'est point considéré comme un rapport ou une transmission d'un hadith ou d'une chaîne de transmission, ou même d'un ouvrage. Mais simplement, on ne considérera que cette chose qui lui a transmis, qui lui a donné, est simplement d'un ordre important, ou bien c'est qu'il lui a donné pour qu'il le mémorise, ou bien qu'il lui en a fait don. Falmouna walatu, kitabatu, muhaddith ila muhaddith. فيكتب العالم كتابا ويعتمد على الكتاب ويتحقق أنه من خطه وأن الشخص الذي أتى به مؤتمن عنده فروايته صحيحة فيقول أخبرني فلان مناولة أو أخبرني فلان مكاتبة أو حدثني فلان مناولة أو مكاتبة. Et donc, le munawala, ici le don, c'est l'écriture d'un savant en matière de hadith ou de rapporteur de hadith à un autre savant rapporteur de hadith. C'est-à-dire qu'un savant va écrire un livre ou un ouvrage et que ce savant va le transmettre à un autre savant et que ce savant va se certifier de l'écriture du savant qui lui a envoyé cet ouvrage et que la personne qui est venue avec cet ouvrage est une personne digne de confiance. Et donc, dès lors, à partir de cet instant, donc on pourra considérer donc que le savant qui a écrit cet ouvrage à un autre savant donc est digne donc d'être transmis. Et wa yadullu ala hadha thubut أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل كتبه تقوم به الحجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أو الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا لبعض أصحابه وأمره أن لا يقرأ هذا الكتاب على من معه حتى يبلغ مكان كذا وكذا، ولمسيرة يومين كما جاء في بعض الروايات، فقرأه عليهم وأخذوا خبره يقينا. Et donc, ce qui montre l'authenticité de cet acte, c'est-à-dire qu'il est permis d'écrire, donc le savant bien sûr, qu'il puisse écrire un livre et l'envoyer à un autre savant, c'est les actes du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a envoyé des livres, des lettres qui étaient des preuves. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait écrit un livre à un de ses compagnons et lui a ordonné de ne pas lire ce livre à ceux qui sont présents avec lui jusqu'à ce qu'il atteigne tel et tel endroit. Et a été mentionné dans des variantes un délai de 2 jours. Et quand il est parvenu à cet endroit, il l'a lu à ceux qui étaient présents avec lui, et ces personnes ont accepté cette information de manière convaincue. Wa kadhalika anna al-Bukhari rahimahullah ta'ala استعمل ذلك في كتابه، أي في كتابه صحيح البخاري، فجاء في حديث في إسناد أن البخاري رحمه الله تعالى قال: كتب إلي محمد بن بشار. Et donc même البخاري رحمه الله تعالى il a utilisé cette manière, c'est-à-dire de transmission de hadith. Il l'a utilisé et dans un hadith, dans une chaîne de transmission, Al-Bukhari rahimahullah ta'ala a dit Muhammad ibn Bashar, qui était un des professeurs de Al-Bukhari rahimahullah, m'a écrit. Al-Bukhari a dit Muhammad ibn Bashar m'a écrit, c'est-à-dire qu'il m'a envoyé une lettre où était écrit un hadith. Et donc Al-Bukhari rahimahullah, donc de cette manière, il a accepté donc cette façon de transmettre le hadith. Wa kadhalika hadhihi at-tariqatu as-sahiha istamalaha as-sahaba. Et de même, donc cette manière, elle est juste, elle est authentique. De même que les compagnons ont utilisé cette manière, cette méthode. Et donc on montre, on voit que cette manière, donc de transmission de hadith par l'écriture, est considérée juste. Et donc celui, pour ne pas oublier, celui donc qui reçoit la lettre ou le livre, il doit, lorsqu'il transmet le hadith, il doit mentionner les paroles suivantes pour montrer qu'on lui a envoyé un livre pour transmettre un hadith. Il doit mentionner les propos suivants: un tel m'a informé par l'écriture, ou un tel m'a narré par l'écriture. فهذا ما يذكر في المناولة وكذلك كتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. Et donc, ce qu'on vient de mentionner, c'est par rapport à l'munawala, le don. Et également, il y a une deuxième manière, qui est l'écriture. Qui est l'écriture scientifique des gens de science qu'ils envoient dans des pays. فَكَذَلِكَ حَمْلُ الْكِتَابِ وَلَوْ لَمْ يَكُمْ مَخْتُومًا مِنْ بَلَدْ إِلَى بَلَدْ فَيَكْتُبُ الْعَالِمُ كِتَابًا وَيُرْسِلُهُ مَعَ مَأْمُونَ أي الرجل مؤتمن ولو لم يكن مختوما فيجب أن يلاقى بالقبول لأن الثقة تؤخذ روايته وتؤخذ شهادته ويؤخذ خبره ولا يضره بكونه واحد. Et donc la deuxième manière donc de transmission, c'est donc l'envoi de livres ou d'un message ou d'une lettre ou même d'un hadith, de l'envoi d'un livre, d'un message, même celui-ci s'il n'est pas cacheté, tamponné, d'un pays vers un autre pays ou d'une contrée vers une autre contrée. C'est que le savant va écrire un ouvrage ou un livre ou un livre et qu'il va l'envoyer. Il va l'envoyer avec une personne qui est digne de confiance et même que son message n'a pas été tamponné. Et donc, ceux qui le recevront, il sera une obligation qu'ils acceptent ce message. Pourquoi ? Car une personne digne de confiance, on accepte sa parole. Une personne digne de confiance, on accepte son témoignage. Une personne digne de confiance, on accepte son information. Et cela ne nuit en rien que cette personne soit seule. Et ceci fait partie de la croyance des gens de Ahl-Sunnah wal-Jama'ah qu'on accepte l'information, le témoignage d'une personne digne de confiance, même si elle est seule. فقال البخاري رحمه الله تعالى قال أنس نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق. Donc Anas ibn Malik a dit, Othman ibn Affan radiyallahu anhu, il a transcrit les ouvrages. Et on a dit ce sont les ouvrages, les livres où est mentionnée la parole d'Allah Azza wa Jalla, c'est-à-dire le Coran, et qu'il a envoyé aux divers pays. Et il y a 15 jours, on avait expliqué ce qu'ont dit les ulama concernant cette parole. C'est que lorsque Othman ibn Affan, radiyallahu anhu, il a vu que, à ce moment, s'est mélangé les divers langages. C'est-à-dire que beaucoup de personnes parlaient selon divers langues. Et que Othman a eu peur de la fitna, du trouble, que ceux qui allaient lire le Coran, la parole d'Allah Azza wa Jal, allaient changer les lectures par lesquelles le Coran a été révélé. Et donc, Othman ibn Affan, radiallahu anhu, donc a conservé une seule lecture. Et on avait dit que cette lecture, elle est composée de 7 récitations. Et on avait nommé, on avait cité, il y a 15 jours, les preuves en cela. Et donc, Othman ibn Affan, pour éviter ce trouble, ces troubles, Il a donc détruit, il a brûlé toutes les autres lectures. Il en laissait une. Et comme on a expliqué, que Rahman ibn Affan donc, a préféré éviter tout trouble et qu'il a laissé donc une seule lecture. Et les ulama donc, ont jugé que ce qu'il a accompli était un bon acte. Et on avait cité la parole du très grand savant Ibn Qayyim al-Jawziyyah, rahimahullah ta'ala, et on avait donné la référence, c'est son livre I'lam al-Muwaqqi'in. ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا. Et donc regardez, de même, il y a des compagnons qui ont jugé que cela était permis, comme عبد الله بن عمر رضي الله عنه ويحيى بن سعيد رحمه الله ومالك بن أنس رحمه الله, que cela était permis. Donc d'agir comme ça, c'est-à-dire d'envoyer un livre ou un message pour pouvoir transmettre un hadith. وكذلك واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة. Et donc il y a certains gens de science de la péninsule arabique. Et on avait cité ces personnes de science sont Al-Humaydi, rahimahullah ta'ala, qui est un des professeurs de Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Il s'est argumenté par cela, par le hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait écrit au chef de l'escadron un livre et lui a dit de ne pas le lire jusqu'à ce qu'il atteigne tel et tel endroit. Et dans une variante, dans Al-Bukhari, de 2 jours. Et lorsqu'il a atteint cet endroit, il l'a lu aux gens et il leur a informé de l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, donc il s'est argumenté pour ce qu'il a avancé au titre de son chapitre par 2 hadiths. Le premier hadith, c'est lorsque Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, il a informé Ubaydullah ibn Abdullah ibn Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé un homme avec un livre et il lui a ordonné de le remettre à qui? Au gouverneur du Bahreïn. Que le gouverneur du Bahreïn a remis ce livre à Kisra. عظيم البحرين بالنسبة لكسرى كالأمير الملك. Oui, ici, le gouverneur du Bahreïn, son statut par rapport à Kisra, c'est comme le statut d'un émir vis-à-vis du roi. Vis-à-vis du roi. Par exemple, comme en Arabie Saoudite, donc il y a un roi qui s'appelle Malik Abdallah, hafidhahullah ta'ala, qui dirige le royaume, et dans le royaume, il y a des omaras, des émirs, qui sont sous l'autorité de ce malik. C'est-à-dire chaque ville a un émir. Medina a un émir. Mecca a un émir. Jeddah a un émir. Et autres. Ils sont tous sous l'autorité de ce roi. Et donc, il l'a remis à Kisra. Et lorsque il l'a lu, Kisra, il l'a déchiré. Il a déchiré la lettre que le messager sallallahu alayhi wa sallam a envoyée. Et Ibn Musayyib, un des rapporteurs dans la chaîne de transmission, a dit donc que le messager, j'ai pensé que le messager sallallahu alayhi wa sallam a invoqué contre eux, c'est-à-dire contre qui? Contre eux. Contre Kisra et ceux qui le suivaient. Que Allah détruit ou désintègre leur royaume. Et également, il y a 15 jours, on avait apporté la preuve et on avait cité les versets dans Sourate Rum où Allah Azza wa Jal a montré qu'il a exaucé l'invocation du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que Allah Azza wa Jal avait donné la victoire aux Roms, les Romains, sur les Perses. Thumma, Al-Bukhari, rahimahullah, dhakara al-hadith al-thani. Ensuite, Al-Bukhari, rahimahullah, a cité un deuxième hadith. Lorsque le compagnon Anas ibn Malik, radiallahu anhu, a dit, le كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مكتوبا. Donc le compagnon Anas ibn Malik رضي الله عنه a dit, le prophète صلى الله عليه وسلم a écrit un livre, et également il y a 15 jours on avait expliqué cette parole, c'est que le prophète, ce n'est pas lui qui a écrit. C'est qu'il a ordonné à un compagnon de l'écrire. Et on avait également apporté des preuves en cela, que ce n'est pas le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien qu'il a désiré écrire. Et on lui a dit, certes, il ne lise pas le livre s'il n'est pas cacheté, tamponné. فَاتَّخَذَ خَتَامًا مِنْ فِدَّةٍ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam a pris une balle en argent où était gravé مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ كَمَا قُلْنَا ثَلَاثَةُ السُّطُورِ سَطْرٌ مُحَمَّدٌ وَسَطْرٌ رَسُولُ وسطر الله فهنا الختم ليس بلازم المهم أن يتحقق المرسل إليه من خطه وأن الشخص الذي أتى به مؤتمن. Et donc on voit dans ce hadith que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم il a pris une balle en argent où était gravé Mohammed, messager d'Allah. Donc dans cette bague était gravé Mohammed, messager d'Allah. Il y avait, comme a été décrit dans les hadiths et les commentaires de ce hadith, que cette bague était gravée donc Mohammed, messager d'Allah, et il y avait trois lignes. Une ligne où est écrit Mohammed, une ligne où est écrit Rasoul, et une ligne où est écrit Allah. En haut, la ligne supérieure Allah, la ligne médiane Rasoulou et la ligne inférieure Mohammedoun. Et donc, si le messager sallallahu alayhi wa sallam a pris cette bague en argent, c'était pour une raison. La raison, on vient de la voir, c'est que lorsqu'on lui a dit, il ne lise pas de livre que s'il est tamponné. Donc la raison que le messager sallallahu alayhi wa sallam a pris cette bague est que c'était pour tamponner, pour cacheter la lettre. Et donc, il faut savoir également que cacheter, ou le cachet, ou le tampon, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas nécessaire. L'important, c'est que le destinataire, c'est-à-dire celui qui reçoit la lettre, il faut qu'il se certifie de l'écriture de l'expéditeur, de celui qui a envoyé la lettre. Et également, il faut qu'il se certifie de celui qui est venu, qui a apporté cette lettre, que c'est une personne digne de confiance. Que c'est une personne digne de confiance. ثم قال كأني أنظر إلى بياضه في يده. Ensuite, Anas ibn Malik, radiallahu anhu, a dit, c'est comme si je voyais la blancheur de l'argent en sa main. La blancheur de l'argent en sa main. فهنا للتحقق وللتأكيد، وهذه العبارة كأني أنظر إلى من الاستثبات، من الاستثبات يكون مثبتا لشيء يحدث به، وهذا يدل على ضبط الراوي. Donc ici, lorsque Anas ibn Malik radiallahu anhu a dit, c'est comme si je voyais la blancheur de l'argent dans sa main. Ici, afin, cette expression ici a été utilisée afin de certifier, afin de confirmer. C'est une expression, une tournure qui est utilisée pour la confirmation, pour l'attestation. C'est-à-dire que la personne va confirmer, va attester d'une chose qu'elle n'a. Et cela montre, comme l'ont expliqué également les gens de science, montre la précision du rapporteur. فنضرب لكم مثالا آخر فقد جاء في صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال لي كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. Et donc, pour vous montrer que lorsque les compagnons, ils rapportaient un hadith, que les compagnons étaient précis dans leurs propos. Ils étaient précis. On va citer un exemple. L'exemple, il se trouve dans Sahih al-Bukhari. C'est le compagnon Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a saisi mon épaule et il m'a dit, sois dans cette vie comme si tu étais un étranger ou comme si tu traversais un chemin. Et donc ici, Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma, quand il a mentionné les paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a même montré la façon, la manière que lorsque le messager sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné ou lui a informé de cette parole, quand il a dit, il a saisi mon épaule. Donc ceci montre que les compagnons, que lorsqu'ils rapportaient un hadith, ils étaient précis dans tous les propos, les paroles du messager de l'enseignement, et même dans les faits. فعندما قال كأني أنظر إلى بياضه في يده فهنا نعلم أن الخاتم كان في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كونه في يده لسهل التناول بخلاف إذا كان في جيبه قد يسقط وأما في اليد يكون في مكان محفوظ بسلامته وببقائه. Et donc ici, lorsque Anas ibn Malik radiallahu anhu a dit, c'est comme si je voyais la blancheur de l'argent dans sa main. Donc ici on comprend que le messager sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a pris la bague, il l'a mis dans sa main, à son doigt. Et donc, du fait de la facilité de pouvoir prendre la bague, c'est-à-dire de la retirer de son doigt, de pouvoir l'enfiler, contrairement s'il l'aurait mis dans sa poche. Il se peut que s'il l'aurait mis dans sa poche, il aurait pu perdre la bague. Mais en la mettant dans son doigt, cette bague se trouve dans un lieu maintenu, préservé et protégé. Et de même, donc, de par la facilité de pouvoir enlever cette bague, de la retirer. ففي هذا الحديث فوائد منها et donc dans ce hadith, le deuxième hadith, il y a plusieurs utilités. فائدة الأولى جواز اتخاذ الخاتم من فضة من أجل تزيد الياسر من الذهب. Donc la première utilité, qu'il est permis de prendre une bague en argent. Et comme on a expliqué, de prendre une bague en argent pour que l'homme s'embellisse légèrement. Et non de prendre une bague en or. الفائدة الثانية جواز اتخاذ الخاتم الجميل لكونه يرى بايعه أي لمعه في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Deuxième utilité est de prendre que celui qui désire mette une bague à son doigt, qu'il mette une belle bague, du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voyait la blancheur de l'argent dans sa main. C'est que le messager sallallahu alayhi wa sallam, il avait choisi une belle bague. وَكَذَلِكَ الْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ أن الختم أضبط من التوبة فيستطيع كل أحد أن يوقع ما كان فينبغي على من يهم الأمر أن لا يكتفي بالتوقيع. Et donc troisième utilité est que le cachet ou le tampon est plus convenable que la signature. Le messager sallallahu alayhi wa sallam donc a utilisé le cachet, le tampon. Il n'a pas utilisé la signature. Pour quelle raison, comme l'ont dit les gens de science, comme le très grand savant, Cheikh Mohammed ibn Salah al-Athaymin, rahimahullah ta'ala. La raison, c'est que chacun peut imiter la signature de l'autre. Et la raison, donc, que chacun peut imiter la signature de l'autre. Et donc, il convient à toute personne qui a une responsabilité qu'il ne se satisfait pas, qu'il ne se contente pas simplement de la signature, mais qu'ils prennent aussi un cachet, un tampon. وأيضا من هذين الحديثين فيه مشروعية الدعوة بالمكاتبة لا سيما من ولاة الأمور المسلمين من أهل الحكم والعلم بقدر ما يستطيعون. Et donc, également, de ces deux hadiths, il y a une autre utilité. L'utilité est la légitimité d'appeler, d'inviter les gens par l'écriture, c'est-à-dire par des livres, par des messages, et surtout de la part des autorités musulmanes, des gouverneurs musulmans, qu'ils soient les gens du pouvoir ou qu'ils soient des gens de science, selon leur capacité. يُبَيِّنُونَ لِلنَّاسِ مَحَاسِنَ الْإِسْلَامِ وَفَضْلَ وَوُجُوبَ الْإِعْتِنَاءِ بِهِ وأنه لا يسع أحد الخروج عنه بعدما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يسوغ لأحد أن يتعبد بأي دين أو ملة أو نحلة إلا عن طريق الإسلام. Et donc, les gouverneurs musulmans et les savants de l'islam, ils vont mettre en évidence aux gens les qualités de l'islam, les bienfaits de l'islam et de l'obligation de prêter attention à l'islam et qu'il est interdit et qu'il n'est permis à personne de sortir de cette religion après que la révélation a été faite au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et également qu'il est permis à personne de vouer un culte, de vouer une religion ou une adoration que par le biais, par le chemin de l'islam. فقد جاء في الصحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده والذي نفس محمد بيده لا يسمع به من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Il y a un hadith rapporté par Muslim dans son Sahih que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: par celui qui tient l'âme de Mohammed en sa main, il n'y a personne de cette communauté qui entend parler de moi, qui soit un juif ou qui soit un chrétien, puis qu'il décède et qu'il n'a pas foi en ce quoi je suis venu, sans qu'ils soient des habitants de l'enfer. فهنا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسمع به من هذه الأمة يهودي ولا نصراني. فهنا الأمة المقصود أمة الدعوة، لأن العلماء فرقوا بين أمة الدعوة وأمة الإجابة. Et donc ici, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a personne de cette communauté qui entendent parler de moi, qu'il soit un juif ou qu'il soit un chrétien. Donc ici, le messager d'Allah a dit de cette communauté. Et il a inclus dans cette communauté juifs et chrétiens. Le sens, comme l'ont expliqué les savants, c'est Ummatud Da'wa, c'est-à-dire la communauté auquel le messager, sallallahu alayhi wa sallam, devait prêcher. C'est-à-dire que quand le messager, sallallahu alayhi wa sallam, la révélation lui fut faite, toutes les personnes qui étaient présentes à son époque, jusqu'à le dernier être humain et djinn, jusqu'à la résurrection, toutes ces personnes font partie de la communauté auquel le messager sallallahu alayhi wa sallam devait prêcher la parole d'Allah azza wa jalla. Cela ne veut pas dire que le juif ou le chrétien fait partie de la communauté du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants ont divisé, ont dit qu'il y a deux sortes de communautés. Ummatud Da'wa, celle qu'on vient de mentionner, et d'autres communautés qu'ils ont appelé Ummatul Ijaba, c'est-à-dire la communauté qui a répondu favorablement à la parole au prêche du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Pour citer une preuve, lorsque Allah azza wa jalla dit dans surat Ali Imran, كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. Pour citer une preuve, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit, vous êtes la meilleure communauté qu'on ait sortie ou qu'on a fait surgir aux gens. C'est-à-dire la meilleure communauté, la communauté qui a répondu favorablement à l'appel du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. تأمرون بالمعروف. Vous ordonnez le tournable et vous interdisez le damal. ويقصدون بهذه المراسلة نشر دعوة الإسلام ودعوة الخلق إليه ليعتنقوه فيدخلون في رحمة الله عز وجل. Et donc, les gouverneurs musulmans et les savants de l'islam, ils doivent correspondre selon, bien sûr, leurs possibilités, leurs capacités. C'est-à-dire envoyer des messages, envoyer des livres aux gens du livre, les juifs et les chrétiens, et même les chefs mécréants. Et donc ceux qui doivent prêcher, les gouverneurs mécréants, ce sont simplement que les gouverneurs musulmans, ou bien les savants de l'islam. Ce n'est pas à nous de les appeler, de les inviter à l'islam. Ceux qui doivent les inviter, c'est les gouverneurs musulmans et les savants de l'islam, comme a agi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui a appelé, qui a invité les gouverneurs à l'islam. Ce ne sont pas ses compagnons, c'est le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et donc nous-mêmes également, ce sont les dirigeants musulmans, les gouverneurs musulmans qui doivent inviter, appeler les gouverneurs mécréants à l'islam. Et de même, nos savants bien-aimés, nos savants bien-aimés, hafidhahumullah, eux qui doivent appeler les gouverneurs à l'islam. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont pour projet lorsqu'ils envoient des livres ou des messages afin de propager de les inviter à l'islam. Que les gens, donc que les gens se soumettent à l'islam et qu'ils entrent dans la religion de l'islam et qu'ils entrent dans la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. وكذلك العلماء في شتى بقاع الأرض ترسل مؤلفاتهم التي تتعلق بتصحيح العقيدة أو العقائد وبيان محل الإسلام والشرح فضائله والتحذير من الإشراك بالله بحسب ما يستطيعون ويؤمر الناس بالتزام جميع أحكام الإسلام من كتاب والسنة وهذه من دعوة المكاتبة وإيجالمون دابلي دانفيتي الإسلام par les ouvrages. Il y a également aussi le rôle des savants qui se trouvent dans les divers contrées de la terre. On envoie leurs ouvrages, les ouvrages qu'ils ont composés. On les envoie, les ouvrages qu'ils ont composés concernant la rectification des croyances, de la croyance. Et également mettant en évidence les qualités, les mérites de l'islam, et également en expliquant le bienfait de l'islam, et également en mettant en garde contre l'association, et bien sûr cela selon leur capacité. Et donc, les gens, on leur ordonnera dans ces ouvrages, on leur ordonnera de se conformer à toutes les règles de l'islam tirées du livre d'Allah Azza wa Jalla et tirées de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc cela fait partie de l'appel du prêche par l'écriture. Fal'an nantaqilu إلى الباب التالي أو إلى باب الجديد. Et donc, maintenant, on va commencer un nouveau chapitre. باب التاسع. باب من قعد حيث ينتهي به المجلس. ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرضى مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفه وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض الله عنه. البخاري رحمه الله تعالى أدي chapitre celui qui s'assoit là où se termine l'assemblée, et celui qui voit un espace dans l'assemblée et qui s'assoit. Il a également narré une chaîne de transmission jusqu'à un compagnon, Abu Waqid al-Naifi, qui a dit: certes, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était assis dans la mosquée et les gens étaient autour de lui. Ou il était assis dans la mosquée en compagnie de gens, c'est-à-dire les compagnons, radiallahu anhum. Et est entré trois personnes dans la mosquée. Deux ont rejoint le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et un s'en est allé. Et les deux qui ont rejoint le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se sont arrêtés devant l'assemblée. L'un des deux a vu un espace dans l'assemblée et il s'est assis. Quant à l'autre, il s'est assis derrière l'assemblée. Et quant au troisième, il s'en est retourné et il est parti. Lorsque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a terminé, c'est-à-dire son discours avec les compagnons, pendant des agréments, il a dit: voulez-vous que je vous informe au sujet de ces trois personnes? Quant à l'un d'eux, il a cherché refuge auprès d'Allah et Allah lui a accordé refuge. Quant à l'autre, il a eu honte et Allah a eu honte de lui. Et quant à l'autre, il s'est détourné et Allah s'est détourné de lui. هذا الحديث صريح في أن في في في أن التغريب في الجلوس مع الصالحين والحث على الجلوس في حلقة العلم الشرعي سواء تتعلق بأحكام القرآن أو السنة المطهرة أو بالكتب المؤلفة المستمدة من أحكام القرآن والسنة المطهرة ككتب العقائد وكتب التوحيد وكتب الفقه وكتب الحديث وكتب السياق وكتب التفسير وإلى غير ذلك من العلوم الشريعة. ولذا جاء الحث والترغيب للناس أن يجلسوا في حلقة العلم ليستفيدوا خيرا وينشروه في الناس تأسيا برسول الكرام وبدعوة الإسلام. Et donc ce hadith qu'on vient de lire, il est explicite pour encourager, pour inciter à s'asseoir dans les assises avec les gens vertueux. De l'encouragement, de l'incitation à s'asseoir dans les assemblées de sciences religieuses. Que la science qu'on dispense dans ces assemblées concerne les règles du Coran al-Karim, concerne la sunna pure, ou bien même des livres qui ont été composés vis-à-vis des règles du Coran ou de la sunna pure, comme par exemple les livres de croyance, les livres d'unicité, les livres de fiqh, les livres de hadith, les livres de biographie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les livres de tafsir et autres parmi les sciences religieuses. Et donc, l'encouragement et l'incitation aux gens de s'asseoir dans les assemblées de sciences afin qu'ils tirent profit du bien et également qu'ils puissent ensuite le dispenser aux gens. Et tout cela en imitant, en copiant les nobles messagers et les prêcheurs de l'islam. Fahad al-Hadith Bayanun أن الجلوس في حلقة العلم من دأب صالح. Et donc ce hadith montre, met en évidence que s'asseoir dans les assises de science fait partie du comportement ou des habitudes des gens vertueux. ودليل على حرص المتهم أن يجلس في حلقة العلم لسماع العلم وللعمل به وللدعوة إليه. Et donc ceci est une preuve que lorsque celui qui va s'asseoir dans les assises de science, ceci montre son désir, son ardeur, que lorsqu'il va s'asseoir dans les assises de science, son objectif est d'écouter la science, de pouvoir mettre en pratique cette science, et ensuite d'appeler, d'inviter à cette science. وبيانه معجزة لمعجزاته وذلك لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه مع أصحابه رضي الله عنهم بيّن لهم عن حكم الثلاث وأن الجزاء عند الله من جنس عمله. Et donc, les trois personnes dans ce hadith qui sont rentrées dans la mosquée, le messager sallallahu alayhi wa sallam nous les a éclaircies. Et ici, son éclaircissement est un des miracles qui a été donné au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé son discours avec ses compagnons, qu'Allah les agrée, il a mis en évidence le cas, le statut de chacun de ces trois personnes. Et les savants de ce hadith ont déduit la règle qui est an al-jaza'a عند الله من جنس عمله أي إن العامل الصالح جزاؤه عند الله من جنس عمله رضا الله وجنته وأن المعرض أو الذي رغب عن الشهر المطهر أو الذي زاهد عنه جزاؤه من جنس عمله وأن ربك لا يظلم أحدا. Et donc la règle que les savants ont donnée, c'est que la rétribution auprès d'Allah, elle se fera selon ce que la personne œuvrait comme acte. C'est-à-dire que celui qui œuvre des bons actes, sa récompense auprès d'Allah est selon ce qu'il a œuvré. C'est-à-dire, sa récompense sera la satisfaction d'Allah, l'agrément d'Allah et le paradis d'Allah Azza wa Jalla. Mais quant à celui qui se détourne de la législation pure ou que celui qui renonce, que celui qui s'abstient, alors sa rétribution se fera selon les actes qu'il a accomplis. Et ton Seigneur n'opprime aucune personne. فنكتفي بهذا القضاء في هذه الليلة وإن شاء الله سنواصل ما باقي من هذا الحديث في الأسبوع المقبل على ضوء علم العلماء. Et donc, ce soir, on va se contenter de ce qu'on a vu. Et Inch'Allah, la semaine prochaine, on poursuivra donc l'explication de ce hadith à la lumière de la science de nos savants bien-aimés. Rahimahumullah, jami'an, wa hafidahumullah, nabaqiya minhum. Et qu'Allah fasse miséricorde à tous les savants, tous les grands savants qui sont décédés, comme notre grand savant qui est décédé cette semaine, Cheikh Zayd ibn Mohammed ibn Hadi al-Mitrani. Qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'Allah donc protège tous ceux qui sont encore vivants. Subhanakallah bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.